Lézardise Live, CFG. Radio Lézard. Lézardise Live. 18h30 pétante, bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre sur Radio Lézard CFG. On est ensemble jusque 20h comme tous les mercredis, hein, c'est la tradition désormais. Et puis sous ce beau soleil, en plus vous avez vu les températures, 32 degrés aujourd'hui, ça a fait du bien, hein, parce qu'il y en avait un peu marre de toute cette pluie et de toutes ces inondations. Enfin bref, là, un gros programme musical ce soir, hein, comme d'habitude, avec une nouveauté, bien sûr je vous l'annonce d'ores et déjà, Ed Sheeran, le tout dernier, c'est chez nous, c'est sur les Radio Lézard, hein, c'est dans Lézardise Live. On aura également Louane, hein, parce qu'elle est en plein actu Luan avec sa sortie, la sortie de son film aujourd'hui, Les Affamés. On en parlera un peu plus tard, bien sûr, à 19h dans les Weekend Is Live. Et puis les sorties ciné, bien sûr. Donc restez avec moi, Sound of Legend, ça va arriver. Hoshi, il y aura Jax Jones, il y aura Avril Lavigne pour le premier flashback. Je vous l'annonce aussi, et j'annonce tout ce soir, c'est la totale. 18h31, bienvenue à vous. Si vous allez au boulot, bah, bon courage à vous. Faites attention sur la route si vous êtes sur la route. Et puis aussi, aujourd'hui, il faut l'annoncer, c'est l'ouverture des soldes. Alors, et n'hésitez pas à aller sur notre site radiolézard.fr, télécharger notre application, hein, bien sûr, hein, pour smartphone, hein, ou même Apple. On va faire un peu de pub, c'est pas grave, allez, on va m'excuser, on va me pardonner pour ça. Et donc, vous pouvez nous écouter même pendant les soldes, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, quelqu'un a vu ma femme, non, aujourd'hui, non, non. Bon, bah, je crois que ma femme est partie aux soldes aussi. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Allez, bienvenue à vous, à 19h les week-endies, on n'oublie pas, à 18h45, 19h15 et 19h45, on aura les trois flashbacks, hein, de la soirée, bien sûr, et puis, et ben, on y va, hein. Allez, on n'est pas là pour rigoler. Bah non, on n'est pas là. Watch the breakdown. Radio Lézard. So wake me up when it's all over. LFGG. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Lézardise. Live. Hey, tá tudo bem. Tu também tá tudo bem. Vamos ver se tu tá bem. Vous écoutez Radio Lézard. Radio Lézard. Allez, on commence tout en douceur. Ed Sheeran, son tout dernier. Walking down 29th and Park. I saw you in another's arm. Only a month we've been apart. You look happier. Saw you walk inside a bar. He said something to make you laugh. I saw that both your smiles were twice as wide as ours. Yeah, you look happier, you do. Ain't nobody hurt you like I hurt you. But ain't nobody love you like I do. That I will not take it personal, baby. If you're moving on with someone new, 'cause baby, you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. And until then I'll smile and hide the truth. That I know I was happier with you. Sat in the corner of the room. Everything's reminding me of you. Nursing an empty bottle and telling myself you're happier, aren't you? Well, ain't nobody hurt you like I hurt you. But I guess you look happier, you do. My friends told me one day I'll feel it too. I could try to smile and hide the truth. But I know I was happier.

dis-moi où t'as mal, je te dirai qui tu es. Habitué, habitué, habitué. Habitué, habitué, habitué. Yeah, yeah. Je suis habitué, habitué, habitué. Habitué. Dans cette petite minute, les Weekend is Live, hein, comme tous les mercredis, le rendez-vous à ne pas manquer, hein, bien sûr, c'est en ma compagnie et la vôtre surtout. Merci de nous être fidèles, merci d'être fidèles à Radio Lézard. Vous savez que vous pouvez venir chatter avec moi, on est en direct, hein, je suis en chair et en or, en os derrière le micro, et donc vous pouvez venir en bas à droite sur notre site, la petite fenêtre chat. Hein, Dossé, c'est la nouveauté également, hein, de ce soir avec Habitué. Juste avant, on avait le premier flashback de la soirée, Avril Lavigne, le prochain 19h15. On va tout de suite, d'ici quelques secondes, BLV qui va suivre, et puis on aura également Vita avec Claudio Capeo, et puis je vous offrirai un peu de rêve comme ça. Mais bon, on n'oublie pas, 19h, les Weekendies. Les dernières nouveautés. Radio Lézard. Ouais, t'es jamais là. Allô, Lézardies. Tired, watch me whip it and watch me go. Drinking like we're in Mexico. That badonkadonk needs some fire. No, badonkadonk can't be tired. We only young ones, don't be foolish. You got the power, got the body, you better move it. So let your hair down, pick your dress out. Only got a couple hours till it all shuts down. No, don't you. No joke, wake up, go to work, Netflix. It's Friday night, don't you dare stay in. 9 to 5, it'll steal your soul. Need the rhythm to get your flow. That badonkadonk needs some fire. No badonkadonk can't be tired. Watch me whip it and watch me go. Drinking like we're in Mexico. That badonkadonk needs some fire. No badonkadonk can't be tired. Need the rhythm, need the flow. On se lève, regarde ce qu'ils nous ont fait. Ils veulent tirer sur nos rêves, ils le font pour de vrai. Le mal ne connaît pas la grève, le mal est dans les têtes. Les petits préparent la relève. pendant qu'on cherche la paix. Ce monde n'a plus d'âme. Ce monde n'a plus d'âme. Vendez-moi un peu de rêve. J'ai plus de temps. Sauvez-moi ici, je crève. J'ai plus de cran. Je veux déployer mes ailes. M'envoler. Je suis tellement seul, ça m'obsède. Je cherche la paix. On fait semblant, nos cœurs cèdent. On est tous les mêmes. Avant que la lumière s'éteigne. J'ai tout à donner. Vendez-moi un peu de rêve. J'ai plus de cran. Je cherche la paix. Je cherche la paix. Le choix c'est marche ou crève. On veut juste exister. Ils ont peur qu'on s'élève. Comme ça vous négligez. Et toutes nos séquelles que rien ne peut réparer. Dis-moi du pantin c'est lequel qui dit la vérité. Ce monde n'a plus d'âme. Ce monde n'a plus d'âme. Vendez-moi un peu de rêve. J'ai plus de temps. Sauvez-moi ici, je crève. J'ai plus de cran. Je veux déployer mes ailes. M'envoler. Je suis tellement seul, ça m'obsède. Je cherche la paix. On fait semblant, nos cœurs s'éteignent. On est tous les mêmes. Avant que la lumière s'éteigne. J'ai tout à donner. Vendez-moi un peu de rêve. J'ai plus de cran. Je cherche la paix. Ils veulent nous contrôler. Ils veulent nous faire taire. Je cherche la paix. Tout miser pour toucher nos rêves. Je cherche la paix. Et qu'est-ce que ça peut faire si on veut quitter l'enfer? Tout miser pour toucher nos rêves. Vendez-moi un peu de rêve. J'ai plus de temps. Sauvez-moi ici, je crève. J'ai plus de cran. Je veux déployer mes ailes. M'envoler. Je suis tellement seul, ça m'obsède. Je cherche la paix. On fait semblant, nos cœurs s'éteignent. On est tous les mêmes. Avant que la lumière s'éteigne. J'ai tout à donner. Vendez-moi un peu de rêve. J'ai plus de cran. Je cherche la paix. Je cherche la paix. Le bonheur. Quitter l'enfer. Ici, j'ai peur. Je cherche la paix. Vita et Claudio Capeo, un peu de rêve, hein. Donc bienvenue à vous si vous venez nous rejoindre sur Radio Lézard CFG, et puis il est tout juste 19h. Weekend is live. Et oui, c'est l'heure des Weekend is live, hein. Les bons plans pour sortir ce week-end dans le 77, bien sûr, c'est ce que je vais vous présenter à l'instant, même au moment où je parle, bien sûr, avec les ateliers en fanfare. C'est élèves amateurs et enseignants de Marne et Condoire qui se retrouvent dans une joyeuse fanfare déambulatoire. Des instruments à vent, des percussions, du chant, quelques pas de danse et deux représentations en public au mois de juin. Il y en a une qui s'est écoulée, malheureusement, et la prochaine a lieu le samedi 30 juin à l'école du Clos de la Fontaine à Chalifert, 20 avenue Michel Chartier. Hein. Et puis vous pouvez vous renseigner au 01 60 35 44, bien sûr, 31. Ensuite, vous aurez la soirée La Magie des Arbres, rassemblement, il y aura une séance également, une projection de cinéma. Donc c'est une projection qui sera suivie d'un débat avant de sillonner les allées du parc à la lumière des torches et autres lampes frontales. Tel est le programme de cette soirée botanique exceptionnelle à laquelle il vous convie. Alors rendez-vous pour découvrir L'Intelligence des Arbres, film tiré du best-seller La Vie Secrète des Arbres. Puis, une fois la nuit tombée, Augustin Bonardo vous guidera pour une découverte nocturne inédite du parc de Ranty. C'est le samedi 30 juin 2018 à 20h30, 1 rue de l'Étang à Bussy-Saint-Martin. Pour plus de renseignements, le 01 60 35 46 72. Ensuite, fête champêtre, hein. C'est une kermesse, hein. C'est un spectacle des élèves des écoles de Bagnaud de 10h à 12h, puis ouverture des animations pour toute la famille en plein air dans une ambiance conviviale bien entendu. Au programme, structure gonflable, stand de maquillage, activités sportives, pêche à la truite, promenade en calèche et en petit train, et il y aura également une exposition et démonstration de maquettes navales, essais de canoë-kayak, c'est pour vous dire qu'il y a de quoi faire. Hein. Il y aura même une restauration sur place, donc ça c'est le samedi 30 juin de 10h à 19h, chemin des Grèves à Bagneux. Bagneux, sur Loing, et pour plus de renseignements, le 01 64 78 51 90. Emmenez-moi à Festival du Patrimoine. C'est un festival spectacle, visite guidée et commentée avec Emmenez-moi, Festival du Patrimoine de Seine-et-Marne. Le département vous invite à emprunter les chemins méconnus et insolites de la Seine-et-Marne du 30 juin au 29 juillet. Notez bien ces dates parce que c'est pas uniquement ce week-end, c'est tout le mois de juillet également. Hein, bah oui, 30 juin au 29 juillet. Donc imaginez jouer à un jeu vidéo grâce à une banane ou pianoter quelques notes à l'aide d'un verre d'eau. Entre démonstrations, conférences, spectacle, performance ou atelier pour les enfants, c'est une programmation festive et familiale qui vous est proposée, bien sûr, comme les Weekendies Live le veut. C'est gratuit, c'est tout au long de cet été, et du moins tout au long du mois de juillet. Ils vous proposeront de découvrir 4 sites remarquables de Seine-et-Marne, la ville historique de Bricontrobert, le village de Larchamps et son église, Saint-Mathurin, le château de Jossigny et l'étonnant dépôt de locomotives de Longueville. Prêt à embarquer ? Alors suivez le guide tout au long du mois de juillet. Hein, ils vous proposeront également un coup d'envoi qui sera donné le 30 juin au château départemental de Blandy-les-Tours, axe incontournable de la découverte de nouveaux itinéraires du patrimoine en Seine-et-Marne et porte d'entrée privilégiée du festival. Donc c'est Emmenez-moi à Blandy-les-Tours les 30 juin et 1er juillet, week-end inaugural. Bien sûr, donc c'est le samedi 30 juin, hein, ça commence là, jusqu'au 1er juillet 2018 à 10h30, place des Tours à Blandy-les-Tours. Bien entendu, pour plus de renseignements, le 01 64 14 77 2 fois. C'est gratuit, par contre, des activités sont limitées à un certain nombre de participants, alors pensez à vous inscrire. Les Affolantes 2018, hein, les arts de la rue, c'est un rassemblement spectacle, théâtre, festival Les Affolantes 2018, concerts, théâtre et spectacle sur 6 spots en centre-ville de Melun. Donc c'est place Saint-Jean, place André-Lévy, rue René-Pouteau, église Saint-Aspect, place Jacques-Amyot, parc de la mairie, l'office de tourisme également. Et puis il y aura également un festival pop-rock gratuit le samedi 30 juin 2018, il y aura également Madame Harris, il y aura à 18h45, il y aura Odelaf à 21h, The Dins à 19h45 et le Selkit à 23h10. Ça, c'est le samedi 30 juin 2018 de 10h à 18h. C'est à Melun et bien entendu, c'est gratuit. Marché gourmand. Alors ça, ça s'adresse hein, aux amateurs de les bons vivants surtout. Hein. Donc c'est un marché dégustation avec également greffé d'un concours de pétanque amateur à 14h. Animation ludique pour les enfants avec l'Underground Café et la bulle technologique Marché gourmand dès 18h. Donc ça, c'est le samedi 30 juin à 18h, rue de Nemours à Villiers-sous-Grets. Pour plus de renseignements, le 06 85 07 47 40. Qu'est-ce qu'on a d'autre ce soir à vous présenter ? Bah oui, les adeptes de la foirefouille, de la farfouille, de la promenade, de la détente, de l'échange avec bien sûr les brocanteurs. Je vous en ai sélectionné 2 pour ce week-end. Donc il y a la brocante Vide-Grenier et Foire à tout sur le parking de l'Hyper-U à Bricontrobert. Hein, donc ça c'est le dimanche 1er juillet de 4h. Alors il commence de bonne heure, hein, 4h du matin à 18h. Il rigole pas à Bricontrobert, hein, c'est comme ça, c'est rue Gustave Eiffel. Vous pouvez vous renseigner ou réserver éventuellement un emplacement s'il n'est pas trop tard au 06 36 72 2 fois 54. Et vous aurez également un vide-grenier. Alors ça, c'est l'association bonbonnaise de football, donc le club à bonbons. Hein, ça sera le dimanche 1er juillet de 8h30 à 18h. Bonbons rue autour du stade de bonbons. Hein, donc ça fait beaucoup de bonbons, tout ça. On va avoir mal au ventre ou mal aux dents, je sais pas. Non, je plaisante, c'est une boutade. Donc bonbons, c'est autour du stade, hein, bien entendu. Donc le vide-grenier. Pour plus de renseignements ou réserver un emplacement, c'est le 06 21 38 22 97. Et ben c'est tout pour les sorties de ce week-end, c'est déjà pas mal, hein. Je vous ai prévu un beau programme, en plus tout ça, bien sûr, bien entendu, c'est gratuit, on va passer du côté obscur de la toile avec les sorties cinéma, et puis Love, Simon, ça dure 1h49, c'est un drame comédie romance, alors on mérite tous une première grande histoire d'amour, vous êtes d'accord avec moi? Pourtant, pour Simon, c'est compliqué, il a une vie normale dans une famille qu'il adore et entouré d'amis extraordinaires, mais il garde pour lui un grand secret, personne ne sait qu'il est gay, et il ne connaît pas l'identité de son premier coup de cœur avec qui il communique en ligne. C'est de Greg Berlanti avec Nick Robinson, Jennifer Garner et Josh Duhamel. Vous aurez également sorti pour ce mercredi 27 juin 2018 Budapest. C'est un film français d'1h42. C'est une comédie avec Manu Payet, Jonathan Cohen et Monsieur Poulpe. C'est écrit et réalisé par Xavier Jens. Alors c'est Vincent et Arnaud, deux amis qui s'ennuient dans leur travail, décident de tout plaquer pour créer pour créer Crazy Trips, une agence qui organise des enterrements de vie de garçon à Budapest. Sur place, ils sont guidés par Giorgio, un expatrié français qui leur dévoile tous les secrets de la ville. Les bons plans, les sites internet, les bandes annonces, faites-vous plaisir. Ensuite, on aura également Parvana, donc, qui est un film d'animation qui pour toute la famille, ça vous pouvez y aller les yeux fermés, ça dure 1h33. C'est de Nora Tuoney et ça se déroule donc en Afghanistan, sous le régime taliban. Parvana, 11 ans, grandit à Kaboul, ravagée par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais, car sans être accompagnée d'un homme, on ne peut plus travailler, ramener de l'argent, ni même acheter de la nourriture. Donc c'est un film d'animation, les teasers, les bandes annonces, faites-vous plaisir. Un couteau dans le cœur, c'est un thriller cette fois-ci d'1h42, Paris, été 1979. Anne est productrice de porno gay au rabais. Lorsque Loïs, sa monteuse et compagne, la quitte, elle tente de la reconquérir en tournant un film plus ambitieux, avec son complice de toujours, le flamboyant Archibald. Mais un de leurs acteurs est retrouvé sauvagement assassiné et Anne est entraînée dans une enquête étrange qui va bouleverser sa vie. C'est de Yann Gonzalez avec Vanessa Paradis, Nicolas Maury, Kate Moran. On aura également Tully, c'est un drame comédie d'1h36. Marlo, la petite quarantaine, vient d'avoir son troisième enfant. Entre son corps malmené par les grossesses qu'elle ne reconnaît plus, les nuits sans sommeil, les repas à préparer, les lessives incessantes et ses deux aînés qui ne lui laissent aucun répit, elle est au bout du rouleau. C'est de Jason Reitman avec Charlize Theron, Mackenzie Davis et Ron Livingston. N'hésitez pas, les bandes annonces pour vous faire votre propre opinion. Et puis, comme je vous l'ai annoncé en début d'émission à 18h30, lorsque j'ai pris l'antenne, donc la grosse sortie de ce mercredi 27 juin, bien sûr, elle est au cœur de toute l'actualité en ce moment en France. C'est Louane qui a le premier rôle, d'ailleurs, de ce film Les Affamés, 1h35. C'est une comédie, c'est frais, sincèrement, je l'ai vu. J'ai vu la bande-annonce, ça a l'air vraiment sympathique. Donc faites-vous une idée, faites-vous plaisir. C'est de Léa Frédéval, et c'est avec Louane, bien sûr, François Debloc et Nina Mello. Et je vous dis d'écouter. Moi c'est Zoé, j'ai 21 ans. J'ai arrêté les études, je cherche un appart. Tu cherches un appart? Je vous présente Zoé, dont je vous ai parlé. Salut. Cette coloc, c'était comme une famille. Et qui dit famille, dit embrouille. C'est quoi, c'est parce que je baise mal? C'est quoi ton délire? Oh, tout de suite. Arthur, est-ce que je baise mal? Non. Tu baisses bien? Mais bien sûr que je baisse bien! Lui, c'est Arthur. Ça faisait 5 ans qu'il travaillait dans une banque. Moi, je serais vous, j'ouvrirais pas un frottis-ci. Non, mais jamais, no way! Pour John, la nuit, il réussissait à y trouver son compte. Ne sais pas, c'est merguez pour Caroline? Quant à elle, son emploi du moment ne lui permettait pas vraiment de mettre ses compétences à profit. Ils ont une capacité de concentration proche du chaton. Ben moi, aujourd'hui, je me bouge et je trouve un taf. Qui veut mon cacolac? C'est à ce moment-là que j'ai compris. Les jeunes, c'est pas juste une catégorie d'âge. C'est une classe sociale. On nous demande tout sans rien nous donner en échange. On quémande pour récurer des chiottes, pour faire des fichiers Excel jusqu'à pas d'heure. On mérite mieux, non? Faut qu'on entre en guerre. On va créer une liste des choses qu'on n'acceptera plus. Comme une charte? Exactement. Notre objectif, attaquer le système de l'intérieur. Pour la première fois, j'ai compris quelle force nous pouvions être. Tout ce qui nous manque, c'est la sensation qu'on nous attend. Si on veut changer les choses, il faut penser plus grand. Mais il faut surtout penser ensemble. Un seul titre dans l'actualité, les jeunes ont disparu. Mais c'est pas possible, ça ne veut pas s'arrêter. Allez où la stagiaire, bordel? Et voilà, allez vous faire une idée sur les bandes annonces, sur les sites concernés. Allez voir la bande annonce donc des Affamés avec Louane et Mera. Donc la grosse sortie, bien sûr, de ce mercredi 27 juin. Et voilà, c'est fini pour les week-endies de cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, 19h. Pour le moment, on va reprendre côté musique. Il est 19h11. Donc j'espère que vous avez passé un agréable moment, que vous avez noté les bons plans. Sinon, vous pourrez toujours tout retrouver demain en podcast, bien sûr, parce que mon ami Nico, qui lui va se faire un plaisir de mettre mettre l'émission complète hein, d'ailleurs, et puis les week-endies sur le site de notre de la radio, hein, radiolesarts.fr. Donc faites-vous plaisir, venez chatter avec moi, on est en direct, je suis là, en chair et en os. Donc venez en bas à droite, la petite fenêtre chat, je vous répondrai dans la foulée. D'ailleurs j'ai communiqué un peu avec mon petit Nico ce soir. D'ailleurs je vous annonce hein, une nouveauté aussi, la dernière émission hein, de Lézardise Live se déroulera avec mon ami Nico. Ce sera la dernière de la saison, hein, mais on se donne rendez-vous bien sûr à la rentrée prochaine, donc je pense que ce sera pour septembre. C'est pas encore fini, hein, je vous dis ça, mais bon, c'est en avant-première, on est que le 27 juin, donc il y a encore un petit peu d'émissions à faire. Donc mon ami Nico sera avec moi normalement s'il n'y a pas de changement de programme, donc on va se taper un petit délire hein, ensemble. Et puis voilà, c'était la petite info du soir. À 19h15, on n'oublie pas le deuxième flashback de la soirée, il va falloir que je m'affole un petit peu parce que sinon on est mal barré et je vais être à la bourre. Donc c'est FG, on est ensemble hein, jusque 20h bien sûr pour les Ardis Live, bienvenue à vous. Et puis si vous êtes au boulot, bon courage à vous, vous pouvez écouter hein, je vous dirai rien moi, donc vous écoutez en loose day, c'est pas grave, votre chef il dira rien, faut pas avoir peur. Si, faut avoir peur, non, je sais pas. 19h15 donc le deuxième flashback, c'est tout de suite dans 3 minutes exactement. Et puis on poursuit côté musique avec Shawn Mendes, In My Blood, c'est tout de suite. Les Ardis Live sans cœur, Radio Lézard, faites la différence. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. It isn't in my blood. Laying on the bathroom floor, feeling nothing. I'm overwhelmed and insecure. Give me something I could take to ease my mind slowly. Just have a drink and you'll feel better. Just take her home and you'll feel better. Keep telling me that it gets better. Does it ever? Help me. It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. I'm crawling in my skin. Sometimes I feel afraid to be alone again. I hate this. I'm trying to find a way to chill. Can't breathe. Oh, is there somebody who could help me? It's like the walls are caving in. Sometimes I feel like giving up. No medicine is strong enough. Someone help me. Sometimes I feel like giving up, but I just can't. Radio Lézard.

Calling

games? Are we too grown to play around? Young enough to chase, but old enough to know better. Are we too grown to change? Are we too grown to mess around? Ooh, and I can't wait forever, baby. Both of us should know better. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, I've been wishing for you. Ooh, ooh, try to do what I was doing. Radio Lisa. NFG sur Radio Lisa. Will you lay me down? Make my heart the only sound. Throw my fears all to the ground. Will you hold me? Will you serenade me with the song you used to play? Till the night turns into day. Will you hold me? C'est une agréable soirée en ma compagnie, Sigala Paloma avec Lulavi. Ça, c'est uniquement chez nous. Hein, bah oui, et juste avant, c'était Maroon 5, What Lovers Do. On a fait un petit clin d'œil comme ça à Black M, Nedaju, hein, le gros tube. Je pense un des gros tubes de cet été avec Tout se passe après minuit. Il y a encore plein de choses à découvrir. Donc, une qui nous revient fort hein, là ces derniers temps, c'est Zazie et Speed. Lézard is live. Radio Lézard. Radio Lézard. Sous

I don't care.

casa no sé cómo hacer, de mí no quieren. Pasa que por los días y no encuentro el remedio. Lo que estoy perdido sufriendo por ti me muero. Quiero vivir siempre a tu lado, amor. Quiero vivir. minutes, il va être malheureusement le temps de nous quitter, mais c'est pas grave, on se retrouve la semaine prochaine, hein, même heure, même endroit, 18h30, 20h, Lézardise Live, c'est sur Radio Lézard, bien entendu, CFG qui vous a accompagné tout au long de ce début de soirée. J'espère qu'il a été bon pour vous d'ailleurs, hein, que vous soyez au boulot, dans la voiture ou n'importe où, chez vous, à vous détendre, avec ce beau soleil, hein, cette chaleur, hein, étouffante, Camaleon, avec Anaïs Delva, Quiero Vivir, hein, c'est uniquement chez nous. Et puis je tiens à la dédicacer à mon amoureuse, et bah oui, je suis comme ça, je suis un petit lover. Moi, j'y peux rien, je suis comme ça. CFG, je vous dis ciao, bye bye, à la semaine prochaine. Passez d'ici là une bonne fin de semaine, un bon week-end avec les week-endies. N'hésitez pas à aller en podcast, hein, à aller réécouter l'émission et puis les week-endies pour avoir les bons plans pour sortir ce week-end. À la semaine prochaine, ciao. Les Ardises Live.